nos poils se tatouent, nos poils la brillent, nos poils se tatouent, faut pèlerinage, m'en délire de man. Nos poils se tatouent, nos poils la brillent, nos poils se tatouent, faut pèlerinage, m'en délire de man. Yo dis moi comme ça, son secret, mais ça. Depuis où que la foi n'a pas cet endroit, n'a pas sans besoin. Yo dis moi comme ça, son secret, mais ça. Depuis où que la foi n'a pas cet endroit, n'a pas sans besoin. Faut que nous pas fait fétiche. Depuis où nous avons fait sacrifice, nous pas prospéré. Les miraculés, faut que nous pas fait fétiche. Depuis où nous avons fait sacrifice, nous pas prospéré. C'est à toi, ma fille d'un pied. Faut prendre acte de bois. Saint Antoine, ma fille d'Empire, va prendre de bras, va pas nous voler. Et les motés, j'ai prié mal prié. Ça m'a demandé où vous connaissez le rapport.